Et maintenant, s'il n'y a pas de problème, continuons la conversation. Yes, Hélène is telling André about George's company and the city where it's based. Écoutez. Monsieur Wickham est... excusez-moi, George est à l'exposition pour une société qui se trouve à Canterbury. Canterbury? Oui, c'est une ville historique dans le sud de l'Angleterre. Ah, il y a une cathédrale célèbre à Canterbury, n'est-ce pas? C'est vrai.